J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. Le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Journal Le Siècle, 6 avril 1923. Lord Carnarvon, qui découvrit le tombeau de Toutankhamon, est mort cette nuit. Le pharaon s'est-il vengé? Il est inutile de rappeler ici les travaux qui ont fait récemment à Lord Carnarvon une réputation mondiale. C'est lui qui, aidé de Mr. Howard Carter, a mis au jour dans la Vallée des Rois le fameux tombeau du pharaon Toutankhamon, d'où on a extrait 100 merveilles. Quand on annonça la nouvelle de la maladie de Lord Carnarvon, certains égyptologues versés dans les sciences occultes affirmèrent que c'était une vengeance du monarque dont on avait troublé le repos éternel et conseillèrent à leurs collègues anglais de se méfier. Ce dernier avait été piqué par un moustique et cette piqûre pouvait bien ne pas être naturelle, d'autant plus qu'un fait de mauvais augure s'était déjà produit. Lord Carnarvon aimait tendrement un petit oiseau, un serin, et il l'emmenait toujours avec lui dans ses déplacements. Le serin était avec le Lord lorsque celui-ci pénétra, pour la première fois, dans la tombe mystérieuse du pharaon. Et quelques jours après, le serin, dont on avait pendu la cage dans quelques coins, était à moitié dévoré par un serpent en un lieu où l'on n'avait jamais vu de reptile. Les fellahs manifestèrent à cette nouvelle la plus vive appréhension. Ce fut peu après que Lord Carnarvon tomba malade, et cette coïncidence parut singulière. L'égyptologue était-il la victime des divinités souterraines? Les forces occultes dont disposaient, dit-on, les prêtres de l'ancienne Égypte étaient-elles assez puissantes pour agir par-delà les siècles? La grande préoccupation des peuples de l'Antiquité était la protection des morts. Toutankhamon pharaon dut avoir des funérailles assez méticuleuses pour que les formules de malédiction lancées contre les violateurs de sépultures fussent récitées avec une attention scrupuleuse et un soin pieux par les sages prêtres qui en connaissaient les arcanes. Reste à savoir si ces formules n'étaient qu'un vain charlatanisme destiné à effrayer les contemporains, sur qui les trésors enfermés dans les tombeaux auraient exercé une tentation trop forte, ou bien si elles renfermaient véritablement un pouvoir magique. Le docteur Mardrus, pour qui ces choses de l'Orient ancien n'ont rien de secret, en est convaincu. Il croit à une vengeance du pharaon. Monsieur Lancelin, spirit notoire, partage cette opinion. Et avec eux, beaucoup d'autres, pour qui la mort de Lord Carnarvon apparaîtra comme la rançon de son audace. Les sceptiques souriront. Coïncidence, coïncidence. Les vieux dieux de l'Égypte sont morts depuis longtemps, et la momie de Toutankhamon n'a plus elle-même que la froide majesté d'une statue qui a su résister à la lente destruction des siècles. Lord Carnarvon est mort d'un accident. Il a eu le tort de mourir près de la Vallée des Rois, peu de temps après avoir violé la tombe d'un pharaon. Ainsi naissent les légendes.